Comme tu veux, juste un tas de cellules regroupées dans une forme étrange. On peut être libre, mais on l'est tant qu'on n'est pas égorgé, tant qu'il y a encore de la vie dans nos innocences. Boîte à 400 millions de galaxies de la mienne, on se rend compte qu'on s'aime. À cause que t'es sur composé d'eau, pis de bien d'autres choses, mais que les marées sont les mêmes. T'auras beau me dire ce que tu veux, moi je sais ce que tu veux. Ça empêchera pas qu'on t'aide heureux. Le temps trouble dans mon corps, c'est pas 2010, le soleil brille sur mon deuxième cycle. Même si on est 0 pis 1 sur du papier, c'est pas ça qui veut gêner. La lune pis c'est zainé. Moi j'suis l'étincelle de moment dans un univers parallèle. J'suis un trou dans ton chandail. À courir sur des étoiles explosées, on se fatigue, on veut se poser ou vivre dans un trou noir. Moi j'suis arrivé ici pour chercher, chercher toujours. Des fois j'trouve j'suis mort. Ça, tu sais, c'est dans le sens bien. Dans un amour intergalactique. C'est un sur tes deux joues, jeune fou. Quand quelques petits bisous chassent tout, casse-cou. Planer sur des passes cool, alléger des passes lourdes. Traverser des bobos qui veulent pas de nous. Nos planètes côte à côte sur le grand loup. Quand on joue le ciel sombre, je te retrouve sous le reflet des étoiles sur la grosse boule. Nous, toi la lune, moi le loup fou. Je te vois, pas besoin d'entendre ta voix. Je te vois, même sous la lumière d'étoiles. Proche mais à des années-lumière de foi. J'ai loupé télescope sur toi. Toi, je te vois. Pas besoin d'entendre ta voix. Je te vois, même sous la lumière de toi. Proche mais à des années-lumière. J'ai loupé télescope sur toi. Ça, tu sais, c'est déjà assez bien. Dans un amour intergalactique.